Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Voir, entendre, sentir, toucher. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Marion est une expatriée française. Elle vit en Indonésie sur les îles Togian. En arrivant sur ces îles, elle a mis en place avec les locaux l'association Everto, Everybody for Togian. Une association qui tente par différentes actions de limiter les déchets et de trouver des moyens de les valoriser. Dans cette deuxième partie de l'émission, Marion nous explique comment se développe ce projet associatif. On en revient sur les îles Togian, donc là ça y est, Saiful fait part de son projet de faire quelque chose en matière de gestion des déchets. Tu rentres en France et tu crées l'association Everto. Voilà, l'association Everto qui veut dire... Everto. Qui veut dire Everybody for Togian. Le nom n'est pas de moi. Le nom vient des gens de Ketupat. Eux créent leur association ici, créent une entité en Indonésie, et nous, de notre côté, en France, on crée une association loi 1901 en se disant qu'on va pouvoir récolter, ou en tout cas tenter de récolter des fonds avec le système de la déduction fiscale, etc. Voilà. Donc au départ, c'était plus faire appel à nos cercles proches, famille, amis, et puis en espérant faire un petit peu le buzz en dehors pour récupérer un petit peu de dons. Le problème étant qu'en France, les Togian, personne ne connaît. Donc il faut être venu ici pour être sensibilisé d'une certaine manière à la cause. Ou au moins être venu en Asie et avoir été soi-même choqué par les déchets, voilà. Donc c'est pas évident, mais on a quand même quelques donateurs. Malheureusement, c'est pas suffisant, mais enfin ça nous permet d'avoir un tout petit fonds de roulement. Et comment sont utilisés ces fonds et quelles ont été les premières actions mises en place? Par quoi on commence quand on crée une association ici en France? Quelles vont être les premières actions? Les poubelles. Faire des poubelles, mettre en place des poubelles dans les rues. Ça c'est la première chose. Parce que si on dit aux gens de ne pas jeter, de ne pas jeter n'importe où, ils font donc leur proposer un endroit pour leurs déchets. Donc la première chose qu'on a faite, c'est ça. Acheter des poubelles. Et on a voulu commencer tout de suite par des poubelles de tri, en se disant, on ne va pas faire comme nous on a fait en France, des poubelles génériques, et puis ensuite leur apprendre encore le tri sélectif. On va passer directement à l'étape du tri, puisque de toute façon, ils vont apprendre à jeter dans une poubelle, autant qu'ils apprennent tout de suite à jeter par catégorie de déchets. Malheureusement, les tout premiers budgets qu'on a eus n'étaient pas suffisants pour acheter suffisamment de poubelles pour pouvoir faire ça. Donc au final, on s'est retrouvé avec des poubelles qui portaient quand même le type de déchets, donc ce qui était recyclable d'un côté, le verre, le plastique, le métal, organique de l'autre pour faire du compost, et puis troisième poubelle, autres déchets en gros, c'est-à-dire tout ce qui ne rentre pas dans les deux premières catégories. Donc n'ayant pas assez de poubelles, on n'a pas réussi à avoir le jeu de trois poubelles à chaque endroit, et du coup on s'est retrouvé avec une poubelle recyclable par-ci, à l'autre bout une poubelle organique. Donc bon, le tri sélectif a été un fiasco les premières années à cause de ça, par manque de budget. Enfin, la volonté y était quand même. Mais c'est chouette de mettre des poubelles, c'est une très bonne idée, mais après il faut qu'il y ait un système de collecte aussi qui se met en place. Donc comment est-ce que vous palliez à ce problème-là? Parce qu'on est sur une île, là on est loin, il n'y a pas un camion-ben qui va venir récupérer le plastique, le compost et le verre. Tout à fait. Donc première étape, les poubelles. Ensuite, la collecte, eh bien, on a recruté. Voilà, donc ça faisait aussi partie de nos postes de dépenses, recruter, donc créer de l'emploi. Recruter 4 personnes qui, 2 fois par semaine, ramassent les poubelles. Donc ce sont nos éboueurs locaux. Alors évidemment, pas de camion ben, une paire de jambes, une paire de bras et puis 2 brouettes. Et on y va. Alors au début, évidemment, on continuait à brûler nos déchets, parce que sur une île, qu'est-ce qu'on fait de nos déchets? Il n'y a pas de décharge publique, il n'y a pas de déchetterie, il n'y a pas toutes ces structures-là. Donc qu'est-ce qu'on en fait? On fait comme ils faisaient jusqu'à présent, on brûle. Donc ça, c'est ce qu'on a fait pendant un certain temps. On continue à le faire aujourd'hui, sauf que depuis, on a mis en place des opérations de recyclage. Donc on ne brûle pas la totalité de nos déchets. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. C'est rare d'ailleurs. Je regarde d'ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Mais pourquoi faire le tri sélectif si on brûle au final ? Parce que juste, donc là on était au tout début de l'association, hein. Les poubelles, les premières poubelles datent de à peine 5, même pas 4 mois après le démarrage de l'association. Je suis revenue donc aux îles Togian 4 mois après la création de l'association, pendant 2 mois pour mettre en place tout ça. Et donc l'idée c'était de se dire, on va faire des opérations de recyclage. J'ai amené moi-même des exemples de recyclage que j'avais trouvé dans d'autres régions d'Indonésie ou dans d'autres pays d'Asie, comme la Thaïlande. Et voilà, et j'ai amené des photos, des exemples, et en me disant, ça va marcher. J'étais très naïve à l'époque de croire que ça allait prendre tout de suite. Donc dans mon idée, c'était, on met en place le recyclage, on a les poubelles de tri, on est bon. Pas du tout. Le recyclage a commencé 2 ans après. Et qu'est-ce qui fait que ça n'a pas fonctionné tout de suite ? La peur de l'inconnu. La perte des idées nouvelles, l'incompréhension. Comment est-ce que de déchets, on peut faire quelque chose de neuf qui en plus a une valeur, qui peut avoir une valeur commerciale en plus. C'est ça, l'incapacité à se projeter aussi dans « tiens, on pourrait avoir une nouvelle source de revenus ou un nouveau type d'activité ». Voilà, on est sur des sociétés qui sont très ancrées dans leur modèle laïque de fonctionnement. Donc ici, on vit de la pêche, de l'agriculture ou un petit peu du tourisme. Mais il n'y a pas d'autres, sources possibles d'activité. Ce sont des populations qui ont besoin d'un exemple qui marche. Donc il faut qu'on leur montre que faire du recyclage, c'est possible, que gagner sa vie avec, c'est possible, ou en tout cas générer des revenus, même si on ne peut peut-être pas pour l'instant en faire une activité à plein temps. Et voilà, il faut qu'ils aient une success story devant eux, en fait. Et s'ils voient que quelqu'un le fait et que ça marche, là, ils vont se lancer dedans, et c'est ce qui s'est passé pour nous. Mais c'est quoi la success story, là ? C'est votre histoire ? C'est notre histoire, success story. Donc la success story, c'est après avoir montré des dizaines de fois des photos, des vidéos téléchargées sur Internet, des objets réels créés avec des techniques artisanales de recyclage, etc. Pendant 2 ans, Saiful m'a conseillé de m'adresser à une personne qui s'appelle Ima, qui est une femme de Katupat. Et il m'a dit, elle est très douée de ses mains et elle est très créative, tu devrais aller la voir et lui montrer tes vidéos. Donc j'ai montré pour la énième fois mes vidéos, je suis allée voir cette personne, Ima. Elle a enregistré avec une rapidité absolument hallucinante les différentes techniques de recyclage que je lui ai montrées, qui sont toutes des techniques artisanales. On n'utilise pas de machine, c'est de la couture, c'est du pliage, c'est... voilà. Et dès le lendemain, elle me proposait déjà des exemples, des portefeuilles, des petits objets quoi, qu'elle avait fait. Donc autant vous dire que moi, je les ai regardées 100 fois hein, ces vidéos, j'ai toujours pas compris comment on fait. Mais elle, en un visionnage, elle a enregistré et le lendemain, elle me proposait déjà. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui a eu... C'est quelqu'un de très intelligent, tout simplement. Et en plus, qui est effectivement qui est manuel, qui est créative, qui a de l'idée, qui a bon goût. Donc, je suis tombée sur la perle. Qui s'est approprié le projet, alors, pour le coup ? Tout à fait, qui s'est approprié le projet et qui, depuis, a réussi à former des gens et à fédérer autour d'elle. Aujourd'hui, 39 personnes à Katupat, donc en 2 ans. 39 personnes, 38 femmes. Et un homme. Je suis très contente qu'on ait un homme dans l'équipe. Ah, mais c'est pas mal. Donc en 2 ans, tu as quand même réussi donc, à instaurer les poubelles, parce que maintenant elles existent. Tu as réussi à développer une économie autour du déchet. C'est positif en 2 ans. C'est très positif. C'est pas encore suffisant. Je suis dure avec moi-même, mais je suis dure avec eux un petit peu aussi. Mais c'est encore lent pour moi. Mais c'est très positif. C'est très très très positif. Est-ce qu'on voit déjà un impact au niveau visuel quand on va se balader sur les plages ? Parce que je crois que tu as aussi fait ça, hein, des moments où vous ramassez tous ensemble les déchets. Oui, oui, on voit la différence. Bah, déjà, au village de Katupat, en général, les touristes qui viennent s'y balader me disent toujours... qu'est-ce que c'est propre par rapport à d'autres villages autochtones ou ailleurs en Indonésie, qu'est-ce que c'est propre. Donc on le voit déjà au village et sur les plages qu'on nettoie. Le problème c'est qu'on ne peut pas nettoyer les plages tous les jours. Et il y a 2 marées par jour aux îles Togian, donc ça veut dire 2 fois par jour, il y a des déchets qui remontent. Donc il faudrait qu'on y soit tout le temps. Donc c'est pas des choses qui se voient sur les plages. Je veux dire, on est allé hier faire une opération de nettoyage, le lendemain on retourne sur cette plage, il y aura toujours autant de déchets. Enfin, mais qui viennent de loin, qui viennent du large ou qui ont été jetés par les habitants des îles? Les deux. Beaucoup, la majorité vient du large. Alors justement les poubelles, pourquoi est-ce que le tri n'est pas fait? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est mis en place ici par le gouvernement pour collecter les déchets? Quelle est la politique des déchets ici en Indonésie ou peut-être plutôt sur les îles Togian ou sur les îles d'une manière insulaire? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de politique de gestion des déchets, aucun système. C'est-à-dire qu'avant que l'association existe, on avait par exemple à Katupat, qui est notre village pilote, pas de poubelle du tout. Donc imaginons un village en France ou une ville où il n'y ait pas de poubelle et donc pas de collecte. Voilà, donc première étape, mettre des poubelles. Donc c'est vraiment ça, il n'y a pas de gestion des déchets et pas d'implication de l'État là-dedans. Est-ce qu'il y a une différenciation entre ce qui est organique et ce qui ne l'est pas? Pas du tout. C'est-à-dire que un déchet est un déchet, ça ils en ont bien conscience, mais il y a pas du tout ils font pas du tout le distinguo entre ce qui est donc organique, donc naturel, et qui peut de ce fait retourner à la nature, comme une peau de banane par exemple, ou ce qui est manufacturé par l'homme, et qui donc ne retournera jamais à la nature, et qui ne se dégradera jamais, ou mettra des années, voire des siècles, à se dégrader. Tout est jeté. Il ne reste que quelques minutes à ma vie, tout au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. On m'a décrit jadis quand j'étais un enfant ce qu'avait l'air le monde il y a très très longtemps, quand vivaient les parents de mon arrière-grand-père et qu'il tombait encore de la neige en hiver. En ces temps on vivait au rythme des saisons et la fin des étés apportait la moisson. Une eau pure et limpide coulait dans les ruisseaux, venaient s'abreuver chevreuils et orignaux. Et moi je n'ai vu qu'une planète désolante, paysage lunaire et chaleur suffocante, et tous mes amis mourir par la soif ou la faim, comme tombent les mouches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien. Plus rien. Il ne reste que quelques minutes à ma vie, au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. Tout ça a commencé il y a plusieurs années, alors que mes ancêtres étaient obnubilés par des bouts de papier que l'on appelait argent, qui rendaient certains hommes vraiment riches et puissants. Ces nouveaux dieux ne reculant devant rien étaient prêts à tout pour arriver à leur fin. Pour s'enrichir encore, ils ont rasé la terre, pollué l'air ambiant et tari les rivières. Et au bout de 100 ans, des gens se sont levés et les ont avertis qu'il fallait tout stopper. Mais ils n'ont pas compris cette sage prophétie. Ces hommes-là ne parlaient qu'en termes de profit. C'est des années plus tard qu'ils ont vu le non-sens dans la panique ont déclaré l'état d'urgence. Quand tous les océans ont englouti les îles et que les inondations ont frappé les grandes villes, et par la suite pendant toute une décennie, ce fut les ouragans et puis les incendies, les tremblements de terre et la grande sécheresse. Partout sur les visages on lisait la détresse. Les gens ont dû se battre contre les pandémies, décimés par millions par d'atroces maladies. Puis les autres sont morts par la soif ou la faim. Quand retombent les mouches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Qu'est-ce que c'est qu'Everto pour un Indonésien et comment est-ce que tu vas le présenter à un touriste français? C'est une bonne question, ça. Ça fait très longtemps que j'en ai pas parlé à un Indonésien, parce que maintenant, tout le monde connaît Everto, Ziltogian, tout le monde connaît. même si tout le monde ne participe pas forcément. Laisse-moi un petit peu réfléchir à l'aspect indonésien. Aux occidentaux que je rencontre, très souvent, je n'ai pas beaucoup besoin d'en parler. Il y a des gens qui connaissent l'initiative parce qu'elle est un petit peu relayée sur certains sites internet ou ils ont rencontré d'autres voyageurs qui leur en ont parlé. Mais sinon, bon, les gens voient parce que dans les hôtels, il y a quand même... on est présent, c'est-à-dire qu'on vend dans certains hôtels, pas dans tous, ceux qui sont partenaires, on vend des objets recyclés, on vend des cartes postales, on vend tout un tas de choses pour essayer de se faire un petit peu de budget. Donc, et forcément, les gens demandent. Donc souvent, je n'ai pas besoin d'aller démarcher en disant « Alors voilà, je voudrais vous présenter mon asso. » Non, les gens viennent et disent « Alors c'est toi qui fais ces portefeuilles recyclés ?» Non, ce n'est pas moi, mais effectivement, l'initiative est d'ici. Et voilà. Et donc, j'en parle pas beaucoup. Pourquoi ? Parce que les gens comprennent. C'est-à-dire que les Occidentaux, je veux dire, sont tellement soulagés de voir une initiative comme ça. Parce que très souvent, ça fait déjà quelques semaines qu'ils sont en Indonésie et qu'ils sont horrifiés par toute cette quantité de déchets qu'on trouve au bord des routes, dans les rivières, dans la mer, etc. Donc ils arrivent là et ils voient un petit objet ou juste des personnes qui sont en train de ramasser des déchets, ils ont envie de m'embrasser. Donc j'ai pas besoin de faire dans le détail. Après, je fais pas de présentation institutionnelle, on va dire. Je m'en sors bien. Hein. Et pour le côté local, qu'est-ce que c'est qu'Everto racontait à un Indonésien ? Everto racontait à un Indonésien, c'est essayer de dire, essayer de parler de leurs enfants. Voilà. C'est essayer de dire. Alors, c'est en fait une présentation finalement très basique, un peu simpliste et peut-être parfois pas tout à fait exacte. Au scientifique du terme, c'est-à-dire qu'en gros, on essaye de dire, par rapport aux déchets dans la mer, si tu jettes tes déchets dans la mer, les poissons vont les manger, les poissons vont être malades, et toi ensuite, tu vas manger du poisson, et donc tu vas être malade. En gros, la chaîne alimentaire, voilà. En gros, c'est une vision... C'est pas tout à fait faux, mais c'est pas exactement comme ça que... Et on dit même que ça va tuer le poisson à terme. Ce qui n'est pas tout à fait faux non plus, il y en a quand même qui meurent de tout ça, des poissons, des oiseaux, voilà. Donc en gros, on essaie toujours d'être sur le... de parler de quelque chose qui les touche, manger. Tout le monde mange, tout le monde a besoin de manger, donc voilà. Et au Togian, la nourriture principale, c'est quoi ? Le poisson. Le poisson, les fruits de mer, le calamar, bon, essentiellement le poisson. Donc ça parle ça, et les gens vivent de la pêche, à 50%, à peu près. Donc... Il faut aller là où ça leur parle. Donc, voilà, un jour, tu n'auras plus de poisson dans ton assiette et ton papa, il n'aura plus de poisson à vendre aux voisins pour vivre. Et quand tu leur dis « ne jette pas dans la mer », qu'est-ce qu'on te répond ? Oui, on me demande « mais pourquoi elle est à toi, la mer ?» Donc, c'est ça. C'est assez désagréable, d'ailleurs, comme réponse. Donc, moi, en général, je dis « oui, elle est à moi, elle est à toi, elle est à tout le monde. » Voilà. Mais c'est souvent... C'est souvent mal pris, en fait. Donc, j'ai un petit peu honte d'admettre que, très souvent, je dis rien. J'observe beaucoup, je dis rien, et j'essaye d'en parler quand je sens qu'il y a une ouverture, qu'il y a une brèche, il y a un truc. Parce que parfois, les gens me posent des questions, les locaux, j'entends. Donc, bon. Mais j'évite de faire la morale. D'abord parce que ça ne plaît pas, et aussi parce que... je ne peux pas généraliser à toute l'Indonésie. Il y a tellement d'ethnies et de cultures différentes ici. Mais en tout cas, aux îles Togian, les gens sont globalement assez susceptibles. Et donc, par exemple, faire la morale, a fortiori devant du monde, c'est quelque chose qui vexe énormément. Ça pourrait nous vexer aussi en France. Hein, mais voilà. Donc, et comme moi, j'ai tendance à... Ça fait 4 ans que je suis là, que l'association est là. Il y a des fois où je perds patience, forcément. Et donc, des fois, je préfère me taire plutôt que de m'énerver. Voilà. Donc, il m'arrive de dire « ne fais pas ça, ne fais pas ça », mais c'est assez rare. J'essaie plutôt d'être dans l'explication, pas au moment où le geste se passe, sauf si c'est des enfants. Là, si c'est des enfants, on peut les reprendre, on peut les corriger, on peut leur dire « non, c'est pas bien ». Voilà. Mais sur les adultes, on évite. Et c'est, de toute façon, les enfants, notre cible principale. On a cru pendant la première année, on va dire qu'on pouvait changer le monde. On est retombé un petit peu de ça. Bien sûr qu'on peut toujours. Soyons optimistes. Mais changer le monde, ce sera par les enfants. Donc c'est l'éducation. Et c'est là qu'aujourd'hui, il faut qu'on mette tous nos efforts. Voilà. Et c'est, comme tu disais tout à l'heure, ça se fera sur sans doute au moins une génération. Donc il y a aussi une volonté des Vertos de faire de la sensibilisation auprès des enfants des îles. Bien sûr. Donc les adultes, on a décidé plus ou moins de ne pas de laisser tomber. On continue, on a des campagnes d'affichage, on a des choses. Mais enfin, on y passe un petit peu moins de temps parce que ça porte pas bien ses fruits. Donc aujourd'hui, on essaye de mettre en place des programmes d'éducation. On essaye de même, alors ça c'est un petit peu le projet rêve, d'inclure carrément des cours d'écologie ou dans les programmes scolaires de tout l'archipel et de tout le département, on va dire, pour utiliser une référence française. Voilà, donc ça, c'est, voilà, c'est au stade du rêve, mais c'est quelque chose qu'on aimerait bien. Donc aujourd'hui, les actions qu'on mène avec les enfants, c'est les choses les plus basiques, les faire participer à des opérations de nettoyage, leur expliquer comment on fait du tri sélectif. On a édité un petit bouquin sous forme un petit peu d'illustration, format BD un petit peu, pas vraiment format BD, mais des illustrations qui expliquent un petit peu tous ces principes, pourquoi il ne faut pas jeter, qu'est-ce qu'il faut faire à la place, pourquoi c'est pas bien de brûler non plus, la pollution, toutes ces choses-là, le poisson, si on le mange, on est malade, parce que le poisson lui-même est malade, etc. etc. Donc on a essayé de monter tout ça avec un petit livre d'illustrations qu'on a distribué dans les écoles et que les enseignants dans les écoles, excusez-moi, à l'école primaire de Catupat, et que les enseignants essayent d'utiliser comme support pédagogique pour faire des exercices, etc. L'autre aspect de l'éducation, c'est là carrément un manuel pédagogique tout entier qui s'utiliserait sur une année scolaire avec des chapitres et des ateliers, des jeux, tout un tas d'activités autour des déchets, et notamment des déchets dans un milieu ilien, donc avec les déchets et la mer, bien sûr. Donc, avec des expériences, il y a des choses très, très, très intéressantes. On a fait ça en partenariat avec une association californienne, qui s'appelle Power to Sustain, et donc, ils nous ont beaucoup aidés dans l'élaboration des cours. Voilà. Alors là où on pêche un petit peu aujourd'hui, c'est la traduction en indonésien, c'est-à-dire qu'on n'a pas fini, et l'implication des profs qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on souhaitait. Donc là, il faut qu'on arrive à trouver le moyen de les motiver un peu plus, et également à trouver des personnes qui seraient là pour assurer ces cours d'écologie, entre guillemets, avec les enfants. Et on a bon espoir, puisqu'on a une Australienne qui est une ancienne prof, une prof à la retraite, prof d'indonésien en Australie, donc elle parle indonésien, et qui s'est installée à Catupat il y a quelques mois. Elle y venait depuis des années en vacances, et maintenant qu'elle est à la retraite, elle s'est fait construire une petite maison. Et elle est d'accord pour nous aider et pour être notre... Donc la personne qui assurerait les cours d'éducation verte à l'école de Catupat. Et ça, ce serait super parce que c'est ça qui nous manque. C'est quelque chose que j'avais prévu de faire moi-même. Malheureusement, je ne peux pas intervenir sur tous les fronts. Mais tout ce que tu mets en place, tout ce qui est mis en place, c'est sur le bénévolat. Il n'y a pas vraiment d'aide du gouvernement ou d'aide extérieure, si ce n'est que les dons récoltés par l'association. C'est ça, on n'a que les dons, donc ce sont des dons privés. On a eu une petite aide de l'État, mais pas le gouvernement local, puisqu'ici on fonctionne avec le gouvernement central, qui est celui de Jakarta, la capitale, et puis ensuite on a des gouvernements locaux dans chaque région ou département. Donc on n'a jamais rien eu de la région ou du département ici à Sulawesi. On a en revanche gagné un prix en 2013. 13, si je ne dis pas de bêtises, oui, je crois. Oui, c'est décembre 2013. Donc, on a été invité à Jakarta et on a gagné un prix remis par le ministère de la Pêche et de la Vie Marine. Plus sur nos activités, les activités liées à la fameuse étoile de mer qui tue le corail, et beaucoup moins sur l'aspect déchets. Enfin, on a quand même gagné le troisième prix dans cette catégorie-là, protection de la vie marine, on va dire. Voilà, donc ça, on a eu... 12 millions pas d'euros, je vous rassure, 12 millions de roupias, Ça devait faire moins de 800 euros, quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est pas grand-chose. Alors c'est beaucoup, hein, avec le taux de change qu'on a ici, etc. On peut faire pas mal de choses avec 800 euros, mais bien évidemment, à l'échelle de 4 ans d'existence de l'association, c'est vraiment rien du tout. Et en plus, c'est une récompense qui vient de Jakarta, du gouvernement central, et pas du tout des antennes ministérielles ici à Ampana, ou qu'on a par ailleurs démarché et qui nous ont tous félicités pour notre super projet, super initiative, c'est génial, mais qui n'ont jamais rien fait de concret, alors qu'on a demandé, si c'était pas de l'argent, des poubelles, c'est ce qu'on a comme. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. C'est dommage, je ne suis pas venue avec mon disque dur rempli de données, de fichiers Excel, etc. Les chiffres, on embauche, on salarie 4 personnes, donc le fameux éboueur dont je parlais tout à l'heure. Depuis maintenant 3 ans, ça va faire 3 ans. On envisage d'en embaucher un ou deux de plus. Après, on permet à 39 personnes de Katupa de générer des revenus par rapport aux activités de recyclage. Donc là, c'est pas Everto qui paye, c'est-à-dire que ce ne sont pas des salaires, mais c'est quand même des revenus générés par l'intermédiaire d'Everto. Puisque c'est nous qui avons apporté l'idée du recyclage et mis en place aussi le recyclage. C'est-à-dire que Everto achète, c'est la seule façon qui nous a permis de vraiment développer ces activités-là. Everto achète les marchandises aux recycleurs. Bon, il y a un homme dedans, donc je suis obligée de dire recycleur, mais c'est quand même une majorité de femmes. Et ensuite, Everto les revend dans les différents hôtels. Alors, ceux qui sont partenaires, ceux qui veulent bien nous relayer. Mais voilà. Et du coup, Everto touche une commission de 20% là-dessus, qui nous permet aussi de continuer à développer d'autres activités par ailleurs. Voilà. Mais ça permet surtout de générer des revenus assez rapidement et de façon conséquente. Parce qu'à l'époque où Everto n'achetait pas encore les marchandises aux recycleurs, ben en gros, les femmes, puisqu'à ce moment-là, c'était que des femmes, elles vendaient dans les hôtels. Puis des fois, pendant 6 mois, elles n'avaient pas de revenus parce que personne n'achetait, c'était pas vraiment mis en valeur. Bon. Alors que là, Everto achète et Everto aussi crée une boutique. À Katupat, on a créé la Katupat Greenhouse, qui est donc à la fois une boutique et une sorte de petit atelier où quand les visiteurs viennent, ils peuvent découvrir les techniques de recyclage, comment est-ce qu'on fait. Ce portefeuille-là, il a été fait comment? Ce sac, il a été fait comment? Et puis, bien évidemment, acheter quelques souvenirs à ramener en France. Voilà. Donc, 39 personnes qui recyclent et qui dégagent des revenus de ça. En termes de plastique collecté. Alors malheureusement, j'ai un petit peu lâché prise sur les chiffres depuis un certain temps. Mais on ramasse en général lors d'une collecte de plastique, par exemple sur une plage, on est à entre 10 et 20 kilos de plastique récolté en une demi-journée en général ça se fait en une demi-journée parce qu'on est nombreux. Quels sont les besoins d'Everto aujourd'hui? De quoi est-ce que tu as besoin dans l'association? On a besoin évidemment de fonds, parce qu'on a donc les dons qui sont faits depuis la France, on a l'équivalent à peu près de 1000 euros par an, ce qui n'est vraiment pas grand-chose. C'est déjà super, hein, les donateurs Everto qui nous écoutent, continuez. Mais c'est évidemment pas suffisant, et on a besoin de ressources humaines. Voilà, donc on a besoin d'aide concrète de gens qui viendraient sur place et qui nous aideraient et qui me permettraient aussi à moi de pouvoir me consacrer plus efficacement à certaines activités d'Everto et me consacrer aussi à d'autres projets que j'ai par ailleurs en dehors du bénévolat. À toi le voyageur, à toi celui qui écoute cette émission, donc Everto, si ça te parle, comment est-ce qu'on fait pour en savoir plus? Je crois que tu as créé un site internet. Oui, on a un site internet, www.everto.org. Everto, c'est E-V-E-R-T-O. Et si vous rajoutez /fr, vous tombez directement sur la version française, sinon il y a les petits drapeaux. On est sur Facebook aussi. Donc, Everybody for Togian, avec un bel accent français. Voilà, facebook.com/everybodyfortogian, T-O-G-E-A-N. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Voir, entendre, sentir, toucher. Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.